Annonce importante la semaine dernière à Normandin, c'est le journal Le Quotidien qui nous apprenait ça. 1,8 million d'investissements à l'aréna de Normandin au centre sportif. On sait qu'il y a quelques semaines, on a annoncé une belle nouvelle également pour Abreuval. Pour en discuter, on parle avec le maire de Normandin, Mario Fortin. Salut Mario! Bonjour M. Dany. Mario, belle annonce pour les gens de Normandin. Oui, c'est une belle annonce, ça, 1,8 million de dollars-là pour mettre à jour notre centre sportif. Qui date des années 1970 et qui a besoin d'une cure de rajeunissement. Oui. C'est quoi, sur quoi qu'on va travailler maintenant? Bien, ces travaux-là sont débutés quelques années. Là, on a fait différentes phases. Là. En phase 1, on a remplacé les bandes. Ça fait déjà 3 ans. Phase 2, on a fait des travaux d'isolation du bâtiment. Et cette phase-là, c'est l'ultime. C'est que là, on refait complètement le système de réfrigération. Pour le rendre plus performant, puis le mettre aux normes aussi au niveau des gaz. Dans ce projet-là aussi, il y a l'agrandissement là, pour les équipements là, qui servent pour la glace. Okay. On refait l'entrée électrique, on améliore les chambres des joueurs, on installe un nouveau système de son. On va faire certains travaux aussi d'isolation là, qui nous restent à compléter. OK. Mais donc, je veux dire, c'est un projet qui va durer tout l'été, là. Oui, c'est un projet qu'on est déjà là. On avait fait faire une étude l'année passée. On s'était avancé pas mal l'année passée. Et là, on est en train de faire les plans de vie finales. OK. On devrait avoir un appel d'offres quelque part au début mai. Puis on vise là vraiment là, d'ouvrir, là, de finir les travaux là pour le début d'août parce qu'on sait que cette année, le centre sportif, la glace, va être opérationnel au 1er août. C'est une des années où ce qu'on va être le plus de bonheur. Eh, monsieur, pourquoi hein, vous faites alors, ça? Pourquoi faites ben, ça? On va avoir une école de hockey là, pour le hockey mineur, puis certains aussi des tournois qui sont planifiés en août. Ça fait que donc, la cible, c'était le 1er août, et on va essayer de faire ces travaux-là là, pour être opérationnel. OK. Donc, mais là, c'est une nouvelle que tu viens de m'annoncer en même temps. Là. Donc, le 1er août, c'est pas mal. C'est quoi? C'est 4 semaines en avance, j'imagine? Oui, vous habituellement, on était dernière semaine d'août, première semaine de septembre, mais là, cette année, là, on y va pour le 1er août. C'est une première, mais je pense que la demande est là, puis on tente le coup cette année. Puis si ça fonctionne, ben l'année prochaine, là, on va ouvrir dans les mêmes dates. OK. Alors, on voit, Danny, que le centre sportif là, il est passablement occupé. Et pour nous, c'est une très bonne nouvelle là, d'avoir eu ces argents-là pour le mettre à niveau. OK, OK. Mais je vais revenir là-dessus, puis après ça, une parenthèse que tu as ouverte, tu m'as sorti une nouvelle, puis sans peut-être le dire, puis après ça, on reviendra sur le dossier de l'aréna. Le centre sportif de Normandin, comment ça coûte par semaine pour opérer, pour l'ouvrir? Parce que j'imagine que c'est des frais supplémentaires, là. Ah, ben écoute, là, c'est sûr, là, quand on calcule un mois de plus d'opération, là, on peut parler de plusieurs dizaines de milliers de dollars, là, parce que au niveau énergie, au mois d'août, c'est beaucoup d'énergie pour faire la glace, l'éclairage, tout ça. Alors, on peut dire facilement, là, quelques dizaines de milliers de dollars pour démarrer. T'as tout le temps pour préparer la glace, tout ça. Bon an, mal an, sans sportif, c'est au-delà de 300 000 $ là, que ça coûte là, pour opérer une saison. OK, OK. Donc, j'imagine que... Et ça, c'est parce que vous avez eu des demandes, quoi? Vous avez décidé d'y aller 4 semaines en avant? C'est quoi le... Parce que là, tu m'as dit, voir une école de hockey, c'est une première. J'imagine une première à Normandin. On en a déjà eu, là. OK. On en a déjà eu des écoles de hockey, mais ça se répétait pas d'année en année. Quand on avait une école de hockey, on ouvrait la troisième semaine d'août. L'année passée, on a fait un tournoi en août, ça a fonctionné. Puis là, cette année, il y avait la demande pour une école de hockey. Donc, ça, quand on a regardé ça, ben, on a dit, gars, on va ouvrir le 1er août là, pour être capable de répondre à cette demande-là. Puis là, après ça, ben il va arriver. C'est sûr que le junior va commencer l'entraînement, puis il y a d'autres utilisateurs qui vont l'utiliser. Là, tu sais, c'est sûr que la glace va être disponible, là, mais il va y avoir des heures de disponibles là, pour les gens qui vont vouloir l'utiliser. Là. Le centre sportif de Normandin, c'est quoi? Il fonctionne? Parce que Saint-Félicien fonctionne à 105%. C'est quoi? On peut-tu dire à peu près 80% là, pas le centre comme tel, là, les glaces? Le taux d'utilisation. Oui, c'est ça. Oui, je te dirais que j'ai pas les chiffres, là, mais... On peut dire qu'il y a un taux d'occupation d'au-delà de 80% là, pour les temps de glace. OK. Donc, le centre sportif, on revient au centre sportif à la nouvelle de la semaine passée, c'est 1,8 million qui va être financé comment? Ben là, ça va être financé, c'est 1,8 million de dollars qui va être emprunté par la ville de Normandin. D'ailleurs, notre règlement d'emprunt est parti pour approbation. Là-dessus, ce que le gouvernement du Québec a annoncé, c'est un montant de 617 000 $ qui va venir compenser pour ça 1,8 million-là. Et aussi, on a eu une autre subvention qui provient du TEC, là, un montant de 238 000 $ Donc, grosso modo, là, c'est autour de 850 000 $ qu'on a eu en subvention sur un projet total de 1,8 million. Ça, c'est un projet qui était vraiment, je veux dire, les arénas, quelque part, ça a pas mal tout été construit dans les années 70, dans une échéance de 5 à 10 ans. Donc là, ils sont vraiment à refaire. Là. Ah, effectivement, là, les équipements de réfrigération, la technologie, là, date des années 70. Alors, on le voyait depuis plusieurs années, les équipements sont usés. On parle surtout des compresseurs. C'est de la vieille technologie, c'est énergivore. Puis les gaz qu'on utilisait aussi, ils sont acceptés jusqu'en 2020. En 2020, on devrait plus les utiliser. Alors, c'est pour ça que ces projets-là tombent à point. Et on voit d'ailleurs qu'il y a plusieurs projets là, de rénovation de centres sportifs qui ont été acceptés parce que les paliers de gouvernement savent que c'est des vieilles installations et qu'ils devaient être mises au nombre. Dis-moi, du côté des donc, tu me l'as dit, des vieux gaz et ainsi de suite, est-ce que là, avec une nouvelle technologie, j'imagine que vous allez faire des économies? Oui, au niveau technique, ça va être des équipements beaucoup moins énergivores, des équipements aussi qu'on va pouvoir moduler dans le temps, faire des économies d'énergie la nuit, baisser les températures, puis ça va nous permettre aussi de chauffer l'aréna. Donc, les gens là, vont avoir un meilleur confort dans l'aréna, parce que avec la récupération de chaleur, on va être capable de chauffer l'eau pour les salles de toilettes, l'air dans l'aréna va être réchauffé, donc il va y avoir beaucoup plus de confort au niveau des utilisateurs. OK. Dis-moi, concernant les travaux, donc si j'imagine que c'est commencé, donc là, faut pas trop qu'il y ait de retard, faut que ça roule là, à partir de maintenant. Là. On est très serré dans l'échéancier, là. C'est pour ça qu'on avait hâte d'avoir la nouvelle. Puis je me répète, mais là, on est en plein devis. On va lancer les appels d'offres au début mai pour environ 2 mois de travaux qui vont être juin et juillet. La phase des travaux, là, la priorité, ça va être le remplacement des compresseurs et de l'équipement électrique pour s'assurer que si au mois d'août, bon, ben l'agrandissement n'est pas terminé, on pourra quand même faire la glace et être prêt pour les activités. Là, il va-tu rester une dernière phase ou tout va être nos normes? Là? Non, ça c'est la dernière phase. Ça fait que ça avec ce 1,8 million-là, ça va compléter les travaux de rajeunissement du centre sportif. On vient d'y prolonger sa vie de 40 ans facile. Ah, OK. Les gens normandais vont pouvoir utiliser ce centre sportif-là encore pour les prochaines décennies. Y a-t-il des projets du côté sportif? J'imagine que quand on fait des investissements de même, ben là, tu viens de me l'annoncer, ça va aider beaucoup, là quand le 1er août, c'est une grande première à Normandin. Mais on travaille-tu sur d'autres projets, peut-être pour maximiser ça? Je sais qu'il y a une foire commerciale qui s'en vient aussi. On travaille avec les on veut toujours améliorer l'offre de loisirs et culture à Normandin. On travaille beaucoup avec les commissions scolaires, polyvalentes, l'école Sainte-Marie, on a des équipements sportifs. On a des protocoles d'entente avec eux autres. On essaye de maximiser. C'est beaucoup utilisé les gymnases, le tir à l'arc, tout ce que la commission scolaire on peut l'utiliser. Alors, on maximise ça. Et c'est sûr que, bon, il y a des gens, on parle de décor hockey, on parle de patinoire extérieure, les demandes sont constantes, mais il faut quand même considérer que Normandin, c'est une petite ville de 3300 habitants. Fait que déjà là, d'avoir un centre sportif avec une glace artificielle opérable 9 à 10 mois par année, c'est déjà un gros morceau. Ben, Mario, félicitations pour la nouvelle. Fort intéressant. Puis je te souhaite des belles vacances dans le sud. Tu te reposes. Tu t'en vas à Cuba, quoi? Cuba, République Dominicaine, c'est où, là? Ouais, on s'en va à Cayo Coco pour une semaine, là. Ça fait que là, on va aller se faire dorer la couenne, comme on dit. Merci beaucoup, Danny. Puis je suis très fier de ces investissements-là. Ben oui, parce qu'il faut faire bouger nos jeunes. Effectivement. Le maire de Normandin, Mario Fortin.